juste d'innombrables composants, comme tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un individu avec une personnalité propre. J'ai un visage et une voix qui me différencient des autres, mes pensées et mes souvenirs sont nés au gré de mes expériences, ils sont uniques et je porte au fond de moi mon propre destin. Et cela n'est encore qu'un détail, parce que je perçois et utilise des informations par centaines de milliers. Et tous ces phénomènes, en s'associant, en se mélangeant, déterminent et construisent ma conscience. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution. Tout ça. connexion. Vaya.